C'est une triste journée d'hiver dans la chaleur des chaumières. Je suis sorti prendre l'air, une idée en tête, direction la mer. À l'autre bout du monde, des gens se baignent et dorment à l'eau. À chaque fin d'année, je me hisse tout en haut. M'envoie des signaux dans le ciel. Alors je vais racrier un micro-ondes répandait, lancer des fruits en l'air aux couleurs arc-en-ciel. À l'autre bout du monde, des gens se baignent et dorment. J'attends impatiemment, en boissant aucun signe venant de l'océan. Chantez-moi une chanson, franchissant la barrière de corail à l'unisson. Alors le vent se lève, balayant tous mes rêves. J'ai froid sur la jetée, maintenant faut rentrer. À l'autre bout du monde, des gens se baignent.